Pourquoi des fêtes ? Il y a dans la vie humaine un phénomène très surprenant qui en traverse toutes les dimensions, de la vie individuelle jusqu'à la vie politique, en passant aussi par la vie religieuse, et c'est ce phénomène qu'on appelle une fête. Prenons par exemple dans la vie individuelle, dans nos sociétés en tout cas, les fêtes de l'anniversaire, quand nous célébrons le retour de la date de naissance de quelqu'un par une suspension du temps et un événement un peu particulier, un peu célébré, un peu ritualisé, un peu sacré, où nous échangeons aussi des cadeaux et des vœux. Qu'est-ce que donc que cette fête ? C'est d'abord le rapport à une date précise, la date de naissance de quelqu'un. C'est aussi le suspens de nos activités ordinaires, de notre vie quotidienne. Nous prenons sur notre temps pour aller célébrer et puis c'est le retour annuel dans le temps. La fête, c'est donc une triple orientation dans le temps, une singularité, un retour et une orientation aussi dans l'histoire, un retour cyclique, un retour annuel. Il en est de même dans le politique, où nous célébrons par exemple des événements comme le début d'une révolution ou la fin d'une guerre, des événements heureux en nous-mêmes ou parce qu'ils célèbrent au contraire la fin d'un malheur, la fin d'une destruction. Il y a à la fois une date, là aussi, une suspension du temps de la vie, le temps s'arrête, c'est la fête nationale, il faut arrêter de travailler, et c'est aussi un retour annuel, un retour cyclique. Et il y a aussi cette étrange dimension de la fête, et comme comment ne pas y penser, dans cette période de fête, il y a cette dimension de la fête que l'on appelle religieuse. Par exemple, dans beaucoup de sociétés, même si la religion ne les structure plus de l'intérieur, même dans la laïcité, cette dimension des grandes fêtes religieuses qui instituent certaines religions comme plus importantes que d'autres, mais qui aussi rappellent à chacun la dimension de la fête religieuse dans la vie humaine en général. Ainsi, Noël est censé nous rappeler un individu singulier, un moment singulier, la naissance d'un enfant, en même temps que l'on fête dans son retour annuel, parce qu'il semble célébrer un moment de bonheur pour tous les humains. C'est la religion qui s'en réclame, la religion chrétienne, par exemple ici. Et puis, un retour annuel, un cycle du temps, qui permet de nous orienter aussi dans le cosmos. C'est au cœur de l'hiver, tous les ans, et il y aura d'autres fêtes au cœur du printemps ou de l'été. Il y a aussi une dimension cosmique de la fête. Dans son grand livre « L'étoile de la rédemption », le philosophe retourné au judaïsme, Franz Rosenzweig, qui a beaucoup inspiré Emmanuel Lévinas, fait une place au temps de la fête à la fois dans le cosmos, nous apportons par exemple des arbres, dans les maisons, dans le temps de l'histoire et dans le rapport au sacré des êtres humains. Que l'on adhère ou pas à telle ou telle religion, peut-être que la fête est au contraire, la fête religieuse, la fête politique s'enracine aussi dans la vie humaine en général, nous oriente dans la temporalité, en la suspendant aussi dans sa répétition pratique et dans les relations à ce qui est pour nous le plus important. Ne nous fixons pas sur le contenu que chacun peut choisir de telle ou telle fête, mais maintenons le sens de la fête, le sens de la joie partagée, le sens du temps commun, le sens aussi du danger contenu, le sens de l'histoire, la nécessité de s'orienter dans le monde et dans le temps. Sans la fête, la vie humaine n'est pas possible. Préservons toutes les fêtes possibles, les plus intimes aux plus politiques, aux plus métaphysiques aussi, contre les dangers qui menacent toujours de l'intérieur.